Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Il est le paléo-anthropologue, le préhistorien le plus célèbre de Belgique. On l'imagine travaillant dans quelques grottes profondes, celle de Skladinia à Sclin par exemple. Il n'en est rien car notre chercheur s'intéresse au passé de 5 continents. Son matériau de prédilection, le silex, mieux le caillou comme il dit, et dont il apprécie la texture, la densité et même son côté sensuel. Son domaine de recherche porte principalement sur les échanges culturels à l'intérieur du continent européen durant la préhistoire ancienne. Il est aujourd'hui au cœur du Salon Noir de France Culture pour nous faire découvrir un de ces moments charnières de l'histoire de l'humanité. La rencontre peut être la confrontation entre deux mondes, le first contact entre l'homme moderne et le néandertalien. Marcel Ott, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honoré et très heureux de me retrouver avec vous. Professeur de préhistoire à l'Université de Liège, vous êtes surtout homme de conviction, un de ces rares archéologues qui prend position à vous lire. J'ai eu le sentiment que vous vouliez, d'une certaine façon, rendre un peu de dignité à ces hommes du passé. Marcel Ott. Oui, merci. Mais bien sûr, toute population a droit à la dignité et c'est une de nos fonctions essentielles en matière d'archéologie et d'ethnologie, comme on vient de l'entendre. Ce qui m'importe, évidemment, ce n'est pas dans la synchronie, c'est-à-dire les populations telles qu'elles vivent aujourd'hui, mais dans la diachronie, c'est-à-dire celles qui se sont élaborées au fil du temps. Elles ont constitué notre humanité actuelle et elles méritent à la fois notre intérêt, notre respect. Je poursuis dans ce sens un peu l'idée de Lévi-Strauss, la pensée sauvage, qui était une sorte de démonstration d'un parfait équilibre entre la nature et la pensée de l'homme. Chacune de ces sociétés qui se sont succédées à travers au moins 2 à 3 millions d'années ont trouvé leur forme d'équilibre, c'est-à-dire leur formule, leur signification sociale à l'intérieur du milieu. Et ces formules sont extrêmement complexes si on croit les populations actuelles qui respectent la nature. Parce qu'elle leur apporte bien sûr la vie, leur propre vie, mais qu'en même temps, elles se sentent solidaires de cette vie naturelle. Et je pense en effet que jusqu'à 10 000 ans, il y a à peu près une dizaine de milliers d'années, donc la conception biblique de la création humaine, nous avions eu des sociétés en parfait équilibre avec leur métaphysique, la manière de penser l'homme, et d'autre part, leur situation par rapport à la nature. Oui, mais en tout cas, Marcel Ott, ces hommes anciens, ils ne sont absolument pas considérés comme des humains à part entière par nos concitoyens et même oui, par les chercheurs. Les chercheurs, je m'en occupe, mais les concitoyens, oui, ils ont peur, évidemment, de l'altérité. Le racisme est une forme d'altérité. Et tout ce qui est différent de soi doit être placé de l'autre côté de la frontière de l'humanité, que ce soit en termes contemporains aujourd'hui, je ne vais pas parler des Flamands et des Wallons, mais aussi en termes rétrospectifs. Il fallait, pour remplacer la foi au cours du 19e siècle, il fallait donc que l'humanité ait eu un ancêtre qui n'était pas comme lui, pas aussi apte que lui. Pas du tout sur le plan scientifique, je ne suis pas du tout darwinien, entre parenthèses, mais parce que c'était une manière d'être rassuré quant à soi-même. C'est une manière sur son caractère sauvage. Oui, de manière à dire que nous sommes partis d'un primate, ce qui est totalement faux, et que nous aboutissons à l'humanité actuelle. Je dis totalement faux parce que les primates qui ont donné naissance à l'humanité, bien entendu, n'existent plus. La comparaison avec les grands primates anthropomorphe actuel n'a aucun sens, puisque eux-mêmes ont connu leur propre évolution. Donc, il y a eu un rejet de la part de l'homme qui fut ancien, de manière à le placer du côté de l'animalité. Ceci procède des théories de Darwin et du 19e siècle, sens positiviste, mais qui se trouve complètement dépassé par les documents archéologiques actuels. En tout cas, homme de science, c'est les préhistoriens presque actuels que l'on devrait blâmer aujourd'hui. Ah, bien entendu. Est-ce que vous en occupez? Les hommes de science, entre guillemets, sont peut-être la pire des espèces en matière de connaissances et d'intuition, puisqu'ils se désignent comme tels et qu'ils portent le label scientifique, c'est-à-dire celui dont on ne peut pas contester la vie, dont on ne pourrait pas. Donc, il y a deux manières d'aborder la science, soit, et c'est la plus courante, de répéter tout ce qui a été dit ou cru jusque-là, et donc devenir académique, au sens le plus péjoratif du terme, ou bien de lutter, de se battre contre l'inconnu, et donc, évidemment, s'opposer, le cas échéant, aux aspects académiques. Le scientifique, s'il devait être défini comme tel, devrait être un rebelle ou du moins un aventurier et certainement pas être celui qui porte une toge, une cravate et qui se manifeste dans les académies. Là, c'est évidemment la fossilisation de l'homme scientifique qui, non seulement ne l'est plus, dès qu'il se dit scientifique, il ne l'est plus, mais qui surtout apparaît comme tel, comme une sorte de garantie de la métaphysique populaire. On dit, puisque la science nous le dit, c'est vrai, et si elle ne le dit pas, c'est qu'on ne le sait pas encore, mais on le saura. C'est tout à fait religieux comme attitude. Marcel Hatt, une de vos dernières réflexions concerne la circulation des populations humaines. Les détroits Gibraltar, Bering, le Bab el-Mandeb en mer Rouge ou le détroit de Sicile n'ont jamais été des barrières naturelles, des défis pour l'esprit humain? Mais pas plus que la Lune. La Lune, on a toujours rêvé d'y arriver, puis tout à coup, on y est parvenu. Or, il n'y a aucune pression démographique ni environnementale qui nous pousse à aller se balader sur la Lune. Et pourtant, on y est allé, on y est revenu, on est reparti plusieurs fois. Donc c'est une question purement métaphysique. C'est-à-dire que c'est un défi que l'anatomie, la nature nous lance et que nous devons relever afin d'être humains. Et je pense que les détroits, donc les passages de mer qui sont à l'opposé de ce que pourrait être un primate bipède, sont autant de défis. Mais puisqu'ils furent traversés à chaque fois, et à chaque moment, et à toutes les périodes de l'humanité, ça signifie que l'homme possédait cet appel de l'audace qui le poussait à traverser ce qui, en principe, n'était pas possible. Ceci dit, au sujet des détroits, puisque vous m'y invitez, il y a un phénomène très curieux, j'invite les auditeurs à y réfléchir, c'est que les détroits ne sont pas passés n'importe quand. Ils sont passés de manière massive, à certains moments seulement. Et donc, on pourrait se poser exactement l'inverse de la question initiale, savoir, tiens, est-ce que le détroit permet de passer? Non. On devrait se poser la question de savoir pourquoi, à certains moments, ces détroits ont fonctionné vraiment comme des boulevards. Entre Gibraltar, d'un côté à l'autre, de l'Afrique vers l'Espagne, il y a des contacts culturels gigantesques, à certains moments seulement. Pareil entre la Sicile et la Tunisie, et pareil dans les autres détroits que vous avez mentionnés. On pourrait donc se poser la question de savoir pourquoi ces détroits n'étaient-ils pas franchis tout le temps? Et donc, c'est certain qu'à certains moments, là où vraiment ce fut dramatique, traumatisant, que ces détroits furent franchis de telle manière que nous les observons de manière évidente. En tout cas pour vous, Marcel Hatt, ces franchissements de mer sont liés à des problèmes de moyens ou d'intention? D'intention, bien sûr. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Bon, il faut peut-être à nouveau un peu rectifier ma manière de voir. Pour moi, les moyens ne sont que au service d'une intention, que au service d'une audace, et pas l'inverse. Les moyens, pour moi, n'existent pas. Ce ne sont que des subordonnés à la pensée. Et donc, justement, cette audace, c'est ça qui pourrait le mieux caractériser l'homme préhistorique ? Ben, pas l'homme préhistorique, mais l'homme tout court, oui. Puisque, bon, le minimum que l'on sache, enfin, le minimum de consensus que nous puissions avoir sur l'évolution humaine, c'est que nous sommes passés d'une région tropicale, quelle qu'elle soit, en Sud-Est asiatique ou en Afrique, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit l'un ou l'autre, et on a quitté ce milieu forestier qui apportait pourtant la sécurité et la nourriture perpétuelle. Et donc, il y a eu l'audace de le quitter et donc de trouver d'autres formes d'alimentation que celles spontanément régénérées par la forêt, par la nature sauvage. Donc, la définition de l'humanité, c'est celle-là. C'est celle de franchir l'audace. Ne parlons pas de la bipédie, évidemment. Aucun autre primate ne l'a réussi. Il a tenté, mais pas réussi. Et puis, alors, tout ce qui s'ensuit, comme le feu, les armes, l'abri, la chasse, tout ça, à chaque fois, ce sont des thèmes d'audace qui se sont portés exclusivement sur la pensée de l'homme. Et cette pensée, alors, se retrouve matérialisée, on dit incarnée, par les documents archéologiques, qui ne sont que des accessoires subsidiaires à cette audace. Marcel Ott, évoquons maintenant l'Europe. L'Europe serait-elle, dans l'évolution humaine, une île ou du moins un isolat ? Ah, c'est une marge, comme je dis. Oui, bien sûr, ben, là, ce n'est pas vraiment très original ni très génial de dire que quand on prend la carte de l'ancien monde, donc en excluant les Amériques, on a deux grandes régions qui sont l'Asie d'un côté, l'Afrique de l'autre, là où les échanges géniques sont très intense, très fréquent. Et puis, il y a des aires marginales, effectivement, comme l'Australie d'un côté, comme l'Europe de l'autre, qui sont comme des presqu'îles de ces énormes continents. Donc, toute invention, qu'elle soit de caractère biologique ou qu'elle soit de caractère culturel, va fatalement prendre naissance dans ces immenses régions centrales, là où les échanges sont beaucoup plus nombreux. Et puis, apparaître dans les zones marginales telles l'Europe, par vagues successives, superposées les unes aux autres. Malheureusement, pour notre réflexion d'aujourd'hui, la science préhistorique s'est constituée dans les marges, comme l'Europe extrême occidentale. C'est-à-dire que désormais, les innovations continues qui se sont passées en Asie ou en Afrique sont apparues en Europe comme des cassures, comme des événements qui brisaient l'évolution. Et c'est comme ça que la notion néandertalienne a été inventée au XIXe siècle, comme par hasard, au moment du positivisme et de l'évolutionnisme régnant. Les zones marginales ne représentent jamais les traits essentiels d'une évolution. C'est pourquoi je pense que la Chine est un beaucoup meilleur exemple de ces tendances évolutives à long terme. En tout cas, l'Europe, cet isolat, a de fait accentué les traits des premiers groupes humains, les premiers Homo erectus, les anté-néandertaliens, puis les néandertaliens, c'est bien ça ? Oui, plus ou moins. Je ne suis pas certain que les néandertaliens soient à ce point limités à la péninsule européenne. On en trouve un peu partout. Mais pour moi, j'appellerais plutôt des paléanthropiens, selon l'expression d'André Leroy-Gourhan, qui dit bon, nous sommes intermédiaires entre les erectus, d'accord, et les modernes. Bon. Mais dans les zones marginales, il se fait qu'il y a un cul-de-sac, qui est l'Europe, dans lesquelles les influences mécaniques ou rétroactives entre la musculation, la bipédie et la mécanique osseuse vont persister et même se spécialiser. Elles vont devenir de plus en plus intenses. Et donc, dans ces cul-de-sac, surtout l'Europe, comme la France, les tendances évolutives du départ vont s'accentuer. C'est un peu, comme je prends toujours cet exemple, les règnes des Habsbourg, où on voit Philippe II avec son menton très proéminent, parce que les aristocrates se reproduisaient entre eux. Justement, cela veut-il dire que les générations de néandertaliens se sont reproduits entre eux, dans une sorte d'endogamie très restreinte. Exactement, oui. Dans la mesure où, ça faut bien comprendre le mécanisme purement physique, quoi, c'est que l'Europe étant un petit continent par rapport aux autres, a reçu très tardivement des populations qui venaient d'Asie, surtout d'Asie et d'Afrique, accessoirement, et que l'ensemble de ces populations d'Erectus ont finalement reproduit davantage leur propre population que d'absorber les populations qui venaient d'ailleurs. Donc ils ont joué effectivement l'endogamie dès que la population européenne s'est trouvée développée en soi, toute seule, et que sa reproduction était plus rapide que les apports extérieurs. Et ainsi, elle a créé ce qu'on pourrait appeler, le terme est mal porté aujourd'hui, mais un terme de race fossile ou bien de variation génétique, mais qui rentre évidemment dans la variation spécifique de l'humanité. C'est exactement comme si nous comparions des Kenyans du Haut-Nil avec les Esquimaux d'aujourd'hui. Les différences morphologiques sont énormes, comme les néandertaliens et les modernes, mais les possibilités de reproduction génétique sont totales. En tout cas, Marcel Hoth, peut-on reconstituer la pensée de Néandertal ? Oui, bien sûr, au travers de sa culture, par force. Oui, bien sûr. Là aussi, c'est un piège. La pensée n'est pas simplement ce que nous disons, ce que nous lisons, ce que l'on reproduit. Non, la pensée est incarnée par tout objet. Donc je m'explique, si un objet est fabriqué, vous parliez de cailloux tout à l'heure, là, c'est qu'il est porteur de symboles et de symboles emboîtés les uns aux autres. Pour fabriquer un objet, n'importe lequel, il faut qu'il y ait une sorte de grammaire, de syntaxe qui conduit de la pierre brute à l'objet finalement utilisé puis abandonné. Et bien, tous ces processus emboîtés permettent de reconstituer une pensée. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, il y a tout l'aspect sépulcral, où on voit qu'il y a une distinction entre le destin animal qui, lui, va être dévoré et le destin humain qui, lui, va être protégé. Mais aussi, il y a des cas limites en sens inverse, où c'est l'humain lui-même qui va être consommé, qui annonce un peu le sacrifice du Christ dans un sens. Donc les populations telles qu'on les connaît aux Néandertaliens sont exactement équivalentes à n'importe quelle autre population contemporaine aujourd'hui en Afrique centrale ou en Amérique du Sud qui connaissent les capacités, qui possèdent les mêmes capacités intellectuelles, affectives que nous, mais qui réalisent d'autres choses que nous. Donc il faut bien distinguer les capacités des réalisations. Nous pourrions par exemple parler chinois, si l'idée nous venait à l'esprit, nous pourrions, mais nous ne le faisons pas. C'est la grande différence historique, d'ailleurs au sens le plus strict du terme, entre les populations qui ont les aptitudes et celles qui réalisent certaines seulement de ces aptitudes et qui vont donc considérer les autres comme étant au-delà de leurs propres aptitudes. En tout cas, Marcel Hoth, vers 40 000 ans semble s'opérer un grand mouvement. L'homme moderne pénètre en Europe. S'agit-il d'un mouvement brusque, massif, une vague humaine migrant vers l'Ouest ? Oui et non. C'est-à-dire, c'est une population qui est extrêmement puissante sur le plan démographique. Et comme vous l'avez dit, ça dure tout de même de l'ordre de 4 à 5 millénaires, donc ce n'est pas très agressif. On ne voit d'ailleurs aucune trace de blessure, ni d'un côté ni de l'autre. Mais il s'agit d'une modification d'ordre métaphysique à nouveau. Un peu comme on voit les Esquimaux qui aujourd'hui perdent toute leur valeur parce que simplement ils savent que le briquet que les Américains leur tendent est beaucoup plus efficace que leur forêt pour faire du feu. Eh bien, dès que la civilisation se brise sur le plan métaphysique, par exemple par les armes apportées par les hommes modernes ou par leurs œuvres d'art, alors La foi n'y est plus. Et donc, l'intention de se reproduire et de se maintenir telle qu'elle est perdue. Donc, ce n'est pas une affaire ni de bataille, ni de contact direct. Les distances même de plusieurs milliers de kilomètres peuvent suffire pour ébranler une civilisation, la mettre en doute, et non pas la faire disparaître, mais l'adapter aux nouvelles formes de conception qui sont en quelque sorte celles des vainqueurs, entre guillemets. C'est d'ailleurs ceux qui croient à des dieux ou du moins à une mythologie qui semble leur donner la force de se reproduire beaucoup plus rapidement que eux. Et nous en avons les témoignages via, par exemple, les armes, qui sont tout à fait différentes et beaucoup plus efficaces, et puis surtout via l'art. Et on va en reparler, bien sûr, de cet art. Ouais. En tout cas, pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Marcel Hotte, que vous êtes professeur de préhistoire à l'Université de Liège, grand spécialiste des contacts et échanges entre l'homme moderne et Néandertal, il y a 40 000 ans. Cette rencontre entre Néandertal et les hommes modernes serait pour vous le fondement de toute histoire européenne ? C'est oui, à mon avis, bon, je vais vous dire du fond de ma pensée, c'est que les Néandertaliens disparaissent progressivement, mais avec des phénomènes d'acculturation, de telle sorte que nous avons encore des gènes néandertaliens, j'en suis convaincu aujourd'hui, en tout cas en Europe. Et que de cette acculturation, là, bon, je vais provoquer les linguistes, mais bon, c'est ainsi, je ne vois pas d'autres occasions dans lesquelles il y aurait eu une population européenne ou indo-européenne, quel que soit le nom qu'on lui donne, qui serait apparue et couvrant l'ensemble du continent européen à ce moment-là. Je ne vois pas d'autres situations où, de l'Irlande à la Crimée, il y a eu des populations qui puissent être appelées indo-européennes et qui échapperaient à cette vague de migration d'hommes modernes, donc il y a une quarantaine de milliers d'années. Qu'il y ait des évolutions internes, c'est entendu. Mais tout de même, les endroits où nous retrouvons les mêmes indo-européens, c'est-à-dire dans le nord du Caucase, donc la Crimée, le nord de la mer Noire, l'Iran, le nord de l'Inde, c'est précisément là où nous trouvons les hommes modernes et la culture qui les accompagne, c'est-à-dire l'Aurignacien. Donc je ne vois pas de cassure fondamentale de population qui aurait traversé l'ensemble de ces civilisations européennes au point d'apporter les Européens d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne vois pas d'où. Il n'y a pas d'autres origines. Donc, effectivement, l'homme moderne vient de là. En tout cas, de cette rencontre, personne n'en sortira indemne, car même biologiquement, les deux groupes humains ne resteront pas identiques à ceux qu'ils étaient antérieurement. L'un va disparaître et l'autre aura des gènes néandertaliens, c'est bien ça. Donc le métissage, d'une certaine manière. Ah, bien sûr, pas seulement le métissage au sens biologique, hein, comme nous avons nos métisses entre blancs et noirs aujourd'hui, mais surtout la pensée qui se métisse. C'est-à-dire qu'il y a l'acceptation d'une certaine manière de voir la société dans l'univers, une autre manière de le faire, et enfin une troisième qui est la résultante de l'une et de l'autre. Et on voit, enfin c'est le livre que j'ai voulu réaliser là, on voit qu'il y a mille et une façons à travers le continent européen de concevoir cette mixité pour donner des civilisations ultérieures. Ça, c'est extrêmement intéressant puisque on voit que chez les Néandertaliens, les traditions culturelles sont plutôt régionales et régionalisées, tandis que chez l'homme moderne, elles sont fulgurantes, elles traversent tout le continent. Mais quelques millénaires plus tard, on voit aussi que l'une et l'autre disparaissent, fusionnent en quelque sorte, et deviennent finalement les populations européennes au sens contemporain de l'expression. Est-ce qu'il y a, donc vous nous avez expliqué donc, que cet homme moderne, ce que l'on appelle l'Aurignacien, viendrait probablement d'Asie, hein, et toujours est-il, est-ce qu'il a eu, il a emprunté quelque chose, lui, à l'homme de Néandertal ? Oui, bien sûr, oui. Toute la stratégie de chasse, par exemple, les technologies de préparation donc de la pierre, sont des acculturations en sens inverse. Je prends souvent la comparaison, pour être plus clair, de l'art baroque espagnol, lorsqu'il est exporté au Brésil, en Argentine ou au Mexique, il devient plus baroque qu'en métropole. Eh bien, nos Aurignaciens, nos hommes modernes, deviennent plus modernes, si je puis m'exprimer ainsi, entre guillemets, quoi. Ils se radicalisent du fait qu'ils sont en contact, et voire en opposition avec les Néandertaliens. En d'autres termes, pour en prendre des exemples plus précis et plus puissants, l'art qui est tellement somptueux dans toutes les grottes de l'extrême Occident n'apparaît pas dans les régions d'Asie centrale, d'où provient pourtant l'homme moderne, mais il apparaît là où il y a eu contact et là où il fallait définir la religion, la mythologie de l'homme moderne, sur les parois. Donc l'art est une sorte de matérialisation de la mythologie de manière à la rendre réelle, à la rendre perpétuelle. Et ça, c'est une acculturation, effectivement. En tout cas, les meilleures armes de l'homme moderne, ne serait-ce pas tout simplement l'art, la religion, un nouveau rapport à l'animal ? Nouveau, certainement, mais peut-être pas meilleur. Pour le dire le fond de ma pensée, si le néandertalien, à la grosse louche, dure 200 à 300 000 ans, l'homme moderne n'en fait que 40 000 et je vois mal qu'il puisse durer quelques centaines de milliers d'années de plus aujourd'hui. Donc peut-être que le rapport, effectivement, comme vous dites, a changé de manière radicale via l'art, via l'outillage, l'arme et surtout via la démographie. Mais peut-être que ce changement fut fatal car la démographie est restée stable pendant des centaines de milliers d'années comme s'il y avait un respect mutuel ou comme si les populations néandertaliennes se sentaient solidaires de la nature sauvage. Et, tandis que tout à coup, avec l'homme moderne, cette rupture est accomplie. Les armes sont des armes très sophistiquées et qui tirent de loin, qui laissent moins de chance à l'animal que dans les populations précédentes et qui cherchent à dominer, à envahir. C'est un peu ce qui se passe aussi de manière encore plus caricaturale avec le néolithique. Rappelons que pour vous, l'art serait de la mythologie étalée sur les parois, c'est bien ça ? Oui, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une mythologie incarnée. Le roi Gouran parlait de mythographie. Bon. Donc il y a, je suis convaincu qu'il y avait autant de mythologie chez les Néandertaliens que chez l'homme moderne. La mythologie orale, comme elles le sont toutes. Mais la manière de le fixer de manière définitive donne une forme de réalité à ce qui jusque-là ne pouvait pas être incarné par l'image. Donc l'image est une sorte de triche déjà avec la nature, d'abus, de viol de la nature, puisqu'elle ne va pas travailler s'en prendre à la nature elle-même, tels que les bucranes ou les ossements des Néandertaliens, mais à sa représentation en deux mots. Et c'est là où l'homme moderne a triché avec la nature. Il s'est débarrassé de la mythologie, de l'emprise, de la force de la mythologie, en la rendant visible et donc manipulable. Je ne suis pas certain que ce soit un progrès. Ceci dit, ces œuvres d'art datent d'une trentaine de milliers d'années. Elles n'ont guère modifié la situation humaine à l'époque. Mais comme nous sommes tout de même dans une péninsule, à nouveau, il fallait tôt ou tard que le basculement se fasse au détriment de la nature et en faveur de l'humanité. En tout cas, une chose est sûre, cette expansion culturelle des hommes modernes, elle sera stoppée par la mer. La mer, bien sûr, dont nous parlions au début d'émission, en deux mots. Oui, là, on peut être tranquille. En ce qui concerne, je ne dirais pas les mers, mais en tout cas les océans, vont arrêter l'expansion et vont créer des tensions internes aux sociétés qui se trouvent confrontées aux rivages atlantiques ou Marcelotte, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre du livre dont vous avez assuré la direction, Néandertal Cro-Magnon, la rencontre, paru aux éditions Errance, mardi prochain à 15h30. Le Salon Noir se penchera sur une autre culture bien plus tardive, puisque nous ferons l'archéologie de la civilisation soviétique. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bruno Gagnère-Fontanille, attaché d'émission Catherine Denet.